원래 트럭이 가서 죽는 거거든요. 나 아르바이트 하고 있어. Votre attention s'il vous plaît, la colonne du bonheur est attendue à la voie 1B. La colonne du bonheur est attendue à la voie 1B.